إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir évoqué les circonstances de la naissance de Isa عليه الصلاة والسلام, l'imam Ibn Kathir رحمه الله va dédier toute une partie de son livre à la réfutation sur les chrétiens qui prétendent que Isa alayhi salat wa salam est le fils d'Allah, ou Allah lui-même, ou encore le troisième de trois, comme il réfute par là même aux juifs qui prétendent que Isa est le fruit d'un adultère et de ce fait ne le reconnaissent pas comme un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La croyance authentique concernant Isa alayhi salat wa salam est qu'il est un grand messager d'Allah, né miraculeusement d'une vierge, envoyé aux enfants d'Israël pour leur rappeler l'adoration à Allah, tabaraka wa ta'ala, les remettre sur le droit chemin, et pour leur rendre licites certaines choses qui leur furent interdites. C'est avant tout un envoyé d'Allah, un serviteur d'Allah, et non pas le troisième de trois, ou le fils d'Allah, ou Allah lui-même. C'est pour ceci qu'Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِتَّا. Sourate 21, versets 88 et 89. Et ils ont dit, en parlant des chrétiens, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, s'est attribué un fils. Vous avancez certes là une chose abominable, c'est-à-dire une énormité, une parole blâmable et un mensonge. Juste après, Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant leurs paroles et la gravité de celles-ci, تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعه للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْتَ. La sourate 21, les versets 90 à 95. Peu s'en faut qu'à ces mots et qu'à cette parole, les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Abd, il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Parmi eux, Isa ibn Maryam, à l'instar de tous les prophètes et de tous les êtres, et de tous les hommes. Allah tabaraka wa ta'ala montre qu'il ne lui convient pas d'avoir un enfant, car il est le créateur et maître de toutes choses. Toutes les créatures ont besoin de lui et lui sont soumises. Tous les habitants des cieux et de la terre sont ses serviteurs, et il en est leur seigneur. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, tabaraka wa ta'ala, et il n'y a aucun seigneur véritable en dehors de lui. Allah montre ici qu'il est le créateur de toutes choses. Comment aurait-il un enfant, car l'enfant ne peut naître que de deux êtres semblables? Et qu'Allah n'a ni semblable, ni égal, ni compagne. Donc il n'a pas d'enfant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Sourate 112, les versets 1 à 4. Il est Allah, l'unique. Allah, celui qui se passe de tout et dont tous ont besoin. As-Samad. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté non plus. Et nul ne lui est semblable. Subhanahu wa ta'ala. Il est donc l'unique à qui rien ne ressemble, ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Il est le maître dont la connaissance, la sagesse, la miséricorde et les attributs sont parfaits. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Il n'a ni égal ni semblable. Ainsi rien ne lui est égal, semblable ou supérieur. Il a renié qu'il puisse avoir un enfant. Car l'enfant ne naît que de l'union de deux êtres identiques ou proches. Allah est élevé bien au-dessus de cela. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le même sens. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Sourate numéro 4, les versets 171 à 173. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens des versets. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Al-Masih Isa ibn Maryam n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il insuffla en Maryam est un esprit venant de lui, c'est-à-dire créé par lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas qu'Allah est trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah est unique, gloire et pureté à lui. Il ne lui convient pas d'avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Al-Masih, Isa, ne trouve pas indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges proches d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui refusent de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et ajoutera un surplus de ses bienfaits. Et ceux qui ont refusé d'adorer Allah et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux et ils trouveront en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Des versets clairs de sens. Allah tabaraka wa ta'ala interdit aux gens du livre et ceux qui leur ressemblent d'exagérer dans la religion en dépassant la limite. Les chrétiens ont exagéré sur Isa al-Masih jusqu'à dépasser la limite en le divinisant. Ils devaient croire que le Masih est le messager et le fils de sa servante Mariam, la Vierge. Allah envoya vers elle l'ange Jibril, alayhi salam, qui insuffla en elle, sur ordre d'Allah, un souffle qui la fit tomber enceinte de son fils Isa, alayhi salatu wassalam. L'ange lui insuffle donc cet esprit attribué à Allah par honneur et noblesse. Mais cet esprit reste une créature d'Allah de la même manière qu'on dit Baytullah, Naqatullah, la maison d'Allah, la chamelle d'Allah, Abdullah, le serviteur d'Allah. Ainsi, on dit Ruhullah, l'esprit d'Allah, par honneur et noblesse, c'est-à-dire afin de donner un caractère noble ou honorifique de cet esprit, du fait qu'il soit annexé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'on a surnommé Isa, car il exista à travers cet esprit sans père, et c'est la parole par laquelle il exista. Comme Allah dit tabaraka wa ta'ala, pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de terre. Puis il lui dit soit et il fut. Il dit également, et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, gloire et pureté à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et aussitôt, elle est. Il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Urahu yakulullahu. » شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وتكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. الحديث rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3193 d'après Abi Hurayra radiallahu anhu. C'est un hadith Qudusi, autrement dit c'est la parole d'Allah ici. Allah a dit, le fils de Adam m'insulte alors qu'il n'aurait pas dû m'insulter. Et il me traite de menteur alors qu'il ne devait pas agir ainsi. Quant à son insulte, c'est le fait qu'il dise que j'ai un enfant. Et quant à son démenti, c'est le fait qu'il dise qu'Allah ne me fera pas ressusciter après qu'il m'ait créé, ou comme il m'a créé. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 7378 d'après Abi Moussa al-Ash'ari, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. Personne ne supporte plus qu'Allah le mal qu'on dit de lui. Il lui attribue un enfant alors que c'est lui qui les protège et leur accorde leur subsistance. C'est clairement une injustice énorme d'attribuer à Allah un enfant, alors que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui octroie lui seul la subsistance à tous ses serviteurs. Et parmi eux, Isa ibn Maryam. Toutes ces paroles d'Allah montrent clairement qu'Allah n'a pas de fils engendré comme le prétendent les chrétiens. Allah est unique dans ses noms et attributs. Rien ne lui ressemble et rien ne lui est égal. Il gère cet univers seul et à lui la royauté absolue. De ce fait, il mérite lui seul l'adoration. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'Allah proclame son unicité, ou qu'on lui attribue un attribut d'imperfection, ou encore à chaque fois qu'Allah veut répondre à une ambiguïté présente chez les polythéistes ou autres, il proclame sa grandeur et sa perfection en disant Subhana. Car toutes ces allégations constituent des paroles des plus graves à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour exemple, Allah dit Jalla wa ala, Innama Allahu ilahun wahid, Subhanahu an yakuna lahu walad. Sourate 4, verset 171. Allah n'est qu'un Dieu unique, une divinité unique. Il est trop glorieux et parfait pour avoir un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Verset 116 de la sourate numéro 2. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, pureté à lui. سُبْحَانَهُ. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Enfin, un troisième exemple. قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Sourate numéro 37, le verset 180. Gloire et pureté à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Autrement dit, à chaque fois que des gens vont vouloir décrire Allah d'une manière incorrecte ou lui attribuer des attributs d'imperfection, ou alors à chaque fois qu'Allah tabarak wa ta'ala va vouloir lever une ambiguïté, annihiler une ambiguïté qui pesait chez les gens ou qui circulait chez les gens, chez les mouchriquins ou autres, Allah tabarak wa ta'ala va utiliser ce terme de subhana qui signifie qu'Allah jalla wa ala est exempt de toute erreur et de toute imperfection et de tout attribut qui ne convient pas à sa grandeur et à sa bienséance. Tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah jalla wa ala yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.